Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Racine de Moisin qui a pour titre aujourd'hui « Le progrès m'a tué ». Voilà, il va être question donc du progrès et tout d'abord je vous propose d'écouter une conférence de l'historien Jean-Baptiste Fressoz, une conférence qui va durer une petite demi-heure et ensuite je vous présenterai en direct et sans filet un certain nombre d'ouvrages qui sont parus récemment autour du thème donc du progrès. Je vais commencer par vous présenter brièvement Jean-Baptiste Fressoz, donc historien qui travaille actuellement au CNRS et qui a publié récemment, enfin en 2012, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, où il retrace comment le risque lié à l'industrialisation au XIXe siècle est devenu, enfin on a fait en sorte qu'il soit devenu acceptable par les populations, et aussi il a publié plus récemment en 2013 avec Christophe Bonneuil, autre historien des sciences d'ailleurs, L'événement anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous. Ouvrage qui est paru au Seuil, ces deux ouvrages sont parus au Seuil d'ailleurs. Donc voilà, un historien assez critique sur le progrès, la technologie. Et tout de suite, je vous laisse la parole à Jean-Baptiste Fressoz et sa conférence Technologie et progrès qui a été enregistrée en janvier 2014. Je commencerai par... non pas une histoire du progrès, mais une histoire de cette idée étrange que le progrès, on n'y croit plus. Ça, c'est une sorte de tarte à la crème de la philosophie de la sociologie actuellement. Ce serait que finalement, il y aurait eu une époque mythique, le 19e siècle, on aurait confiance dans la technique, confiance dans le progrès. Et nous, individus de la fin du 20e siècle, beaucoup plus éclairés, on aurait conscience des dégâts du progrès. On serait devenu réflexif, c'est le terme consacré après un sociologue qui s'appelle Ulrich Beck, un sociologue allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle « La société du risque » en 1986, c'est que la modernité est devenue réflexive. C'est-à-dire que maintenant, la modernité questionne sa propre dynamique et est capable, finalement, de critiquer la technique, de prendre conscience des impacts de l'industrialisation et de nos modes de vie sur l'environnement. Alors, en fait, je me suis amusé à regarder un petit peu dans le passé cette idée que le progrès est mort. Et en fait, on en retrouve une histoire aussi ancienne que le progrès lui-même, c'est-à-dire en 1855, Baudelaire, au moment de l'exposition industrielle de 1855, explique que le progrès est un fanal obscur dont il faut se défaire. En 1932, le grand historien des techniques Lewis Mumford écrivait du progrès qu'elle était la plus morte des idées mortes. 50 ans plus tard, Jean-François Lyotard, dans un livre qui a été très important, qui s'appelle « La condition postmoderne », concourait aussi dans cet avis d'un décès du progrès, puisqu'il disait que être postmoderne, c'était en fait se défier de tous les grands récits, de tous les méta-récits, dont le récit du progrès. Et on retrouve cette idée qu'on ne croit plus dans le progrès, nous, chez Ulrich Beck, donc, ou chez Bruno Latour, dont nous n'avons jamais été modernes, quand il dit qu'il n'y a plus de flèche du temps, ou que la flèche du temps s'est inversée ou s'est embrouillée. C'est désorienté pour le moins. Et je trouve le plus surprenant, en fait, c'est que les philosophes, les sociologues qui plus récemment concourent dans ce constat de décès du progrès écrivent dans une période de très haute technophilie, quand on y réfléchit. Les années 1970, 80, 90 et 2000, c'est un moment extrêmement majeur dans le processus d'artificialisation de la nature. Pensez au nucléaire, à la révolution informatique, au net, aux OGM, plus récemment à la ruée sur les gaz de schiste, ou bien la surveillance généralisée type NSA, qui se pratique d'ailleurs aussi en France. De manière plus contemporaine, pensez au projet démentiel de géo-ingénierie, c'est-à-dire cette idée qu'on va pouvoir maîtriser la température du globe en changeant un petit peu la modification de l'atmosphère. En tout cas, il y a cette idée très très forte que la technique est une solution à un très grand nombre de problèmes. Alors, la thèse que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est que si le vocable de progrès a de nos jours perdu de son lustre, cela révèle non pas qu'on n'y croit plus, mais plutôt l'acceptation en fait générale de sa logique dans nos sociétés contemporaines de la connaissance, qui sont tendues et organisées pour produire de l'innovation. C'est faute d'ennemis que le progrès a perdu son sens politique. Contrairement au discours actuel sur la perte de la confiance en la science ou en la technique, nos sociétés fétichisent jamais comme avant. Alors évidemment, le progrès, mais ça a pris des nouvelles formes, de nouveaux noms, mais pensez au vocable de société de la connaissance, au vocable d'innovation, recherche et développement, croissance, innovation soutenable. Plus récemment, on a eu le droit à innovation responsable, un nouveau buzzword chez les sociologues de l'innovation, ou évidemment à cette chose sans référent qui est le développement durable. Et d'ailleurs, les partis de gauche comme de droite font de l'innovation un leitmotiv. C'est la solution au déficit de croissance économique, à la perte de la compétitivité, au chômage, à la crise environnementale, etc., etc. Alors, à droite, dans les partis de, enfin, l'UMP, on va dire, le discours, ce discours-là s'intègre, en fait, dans un discours décliniste, qui lie le déficit d'innovation on va dire, au modèle, à l'État assez important en France. Alors, dans un article du Monde de juin 2013, François Fillon expliquait que le thème du progrès serait le grand thème de la campagne de 2017. Et il se dit frappé par le blocage de la, je cite, frappé par le blocage de la société française sur tous les progrès scientifiques. Il appelait les Français à avoir la foi dans le progrès. Et ce qu'il appelait par là, c'était une dynamique de vie qui nous pousse en avant, nous conduit à inventer, risquer et à oser. La France, dit-il, doit s'élancer vers le futur pour sortir de la crise. Donc on a en fait une rhétorique ultra banale, hyper classique, qu'on aurait pu entendre au 19e siècle, quoi. Et ce qui est assez frappant, c'est que qu'est-ce qu'il entend par ces blocages sur le progrès ? C'est la question du gaz de schiste. Le gaz de schiste, alors que évidemment le gaz de schiste c'est une technologie extrêmement rétrograde qui enferme l'économie française dans des sources carbonées. C'est absolument pas une dynamique de vie ou un état d'esprit, si vous voulez. C'est absolument absurde de mettre ça sous le vocable de progrès. Alors on retrouve le même déclinisme à gauche, de manière un peu modifiée, à travers le thème du redressement, redressement productif, qui implique bien qu'il y avait quelque chose de tordu avant qu'il faut redresser. Je vous conseille je voulais la montrer, mais c'est un peu compliqué. Je vous conseille vraiment d'aller voir une vidéo qui se trouve, si vous tapez Montebourg, la nouvelle France industrielle. C'est une vidéo absolument hilarante, pour un peu galvaniser les forces productives françaises et nous redresser. Une vision de l'histoire des techniques complètement surannée, complètement dépassée, qu'on pourrait qualifier de techno-nationalisme, où en gros toutes les inventions importantes de la modernité, enfin en tout cas des deux derniers siècles, de la machine à vapeur à la médecine moderne, en passant par l'automobile et l'avion, sont françaises. Voilà. Alors qu'évidemment, n'importe quel historien des techniques qui connaît un tout petit peu l'histoire des techniques, c'est même pas que c'est anglais en fait, c'est que c'est des histoires de circulation extrêmement complexes entre plein de pays d'Europe qui fabriquent la révolution industrielle. En tout cas, ça n'a absolument aucun sens de dire que une invention est française ou anglaise, ça n'a pas grand sens historique quand on y réfléchit. Dans cette vidéo que je vous conseille une fois encore de voir, il y a un accent très fort qui est mis sur les 30 Glorieuses, où on voit une magnifique caravelle qui décolle, le Concorde, le programme électronucléaire. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a un livre récemment qui est sorti, écrit par des collègues, qui s'appelle Une autre histoire des Trente Glorieuses, où en fait si on se met à revisiter d'un point de vue plus environnemental et d'un point de vue qui s'intéresse disons à l'efficience énergétique, les Trente Glorieuses c'est une catastrophe économique. C'est-à-dire que le moment des Trente Glorieuses, c'est pas simplement qu'il y a des pollutions, c'est qu'en fait l'économie française devient formidablement inefficace en termes énergétiques et matériels. Si on sort de la métrique simplement du PNB et qu'on s'intéresse davantage à l'efficience et au flux de matière, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que pour une hausse moyenne annuelle du PIB de 5,2% pendant les 30 Glorieuses, un chiffre qui ferait rêver notre actuel gouvernement, on remarque que certains secteurs connaissent un essor bien plus rapide. Pour l'électricité, c'est plus 9,5% par an. Pour l'extraction des minerais non ferreux, c'est plus 7,9% par an. Pour le pétrole et le gaz, c'est plus 10,1% par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque point de croissance de PIB implique, par exemple, 2 points de croissance de la consommation de pétrole. D'accord ? Donc, en fait, on a besoin de plus en plus d'énergie et de matières premières pour produire de moins en moins de richesses. L'agriculture aussi se pétrolise. Il faut une hausse de 114% d'engrais azotés, de 59% des machines agricoles sur la période des 30 Glorieuses. Alors, les engrais azotés et les machines agricoles, il faut savoir que c'est très demandeur en énergie, en pétrole en particulier, pour générer une augmentation de seulement 20% de la production agricole entre 1962 et 1973. Donc vraiment, les Trente Glorieuses qu'on présente de manière fantasmée comme le modèle à retrouver, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut espérer pour l'économie française ou en général, hein, maintenant, dans le contexte de crise énergétique et de crise climatique. Puisque c'est à ce moment-là que l'économie française, qui était assez efficace énergétiquement, parce que le modèle d'industrialisation française, ça c'est des historiens de la révolution industrielle qui l'ont montré, était beaucoup moins intensif en charbon, il y avait davantage d'énergie hydraulique, une industrialisation à la campagne. Bon, c'était transformé déjà avant les Trente Glorieuses, mais c'est le moment où vraiment l'économie française devient assez, enfin, inefficace et très peu intéressante en termes environnementaux ou énergétiques. Alors, pourquoi cette obsession dans le discours politique pour l'innovation, et en particulier pour l'innovation big scale, pour l'innovation grande, énergivore, impressionnante? Alors, il y a des raisons historiques profondes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le rôle des grands corps, la question de l'équipement depuis le XVIIIe siècle, le rôle de la monarchie là-dedans, un discours de nationalisme technologique et de revanche à prendre, et puis de complexe vis-à-vis de l'Angleterre, du retard français vis-à-vis de l'Angleterre. Ça, c'est un discours qui se construit depuis Waterloo, hein, quasiment, donc il y a une vieille histoire de ça, mais de manière plus récente, je pense, c'est qu'en fait, finalement, nos hommes politiques ont en tête ce qu'on appelle un modèle linéaire de l'innovation, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a une chaîne naturelle entre la recherche scientifique, la recherche et développement, l'innovation et la croissance économique. Et ça va dans ce sens, c'est-à-dire on va mettre des sous dans la recherche et le développement qui vont créer des innovations et qui vont créer de la croissance. Donc c'est une théorie qui s'appelle la théorie de la croissance endogène, qui a été formulée par l'économiste Paul Romer en 1986, qui dit grosso modo qu'il y a un cercle vertueux entre croissance économique, recherche et développement et innovation. Or, il n'y a pas besoin d'être un grand historien de l'économie pour voir qu'on a des exemples évidents qui contredisent cette théorie. C'est juste que ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas du Japon, le Japon c'est l'un des pays qui investit le plus de sa richesse nationale dans la recherche et développement, pas loin de 4% du PIB. En France, on est à 1,7%, donc beaucoup plus. Et pourtant, ils ont une croissance complètement atone depuis 20 ans. Un autre exemple qui me semble frappant, c'est si on prend le cas du Royaume-Uni et l'Italie. Si vous prenez le Royaume-Uni et l'Italie en 1900, c'est des pays qui sont très différents. Le Royaume-Uni est la première puissance économique mondiale, l'Italie est un pays pauvre. Si vous prenez le Royaume-Uni et l'Italie maintenant, c'est des pays assez semblables. En 1980, le PNB par habitant de l'Italie a dépassé celui du Royaume-Uni, ce que les Italiens ont appelé il sorpasso, le surpassement. Ça avait extrêmement impressionné les Anglais et les Italiens d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Italie, systématiquement, met très peu d'argent dans la recherche et développement comparé à l'Angleterre. Hein, nettement moins que 1% de leur PNB, alors que l'Angleterre doit mettre pas loin de 2%. Si on prend maintenant, non plus des nations, mais le cas des entreprises. Si vous prenez, j'ai regardé ça pour préparer ce papier aujourd'hui, les plus grandes dépenses en R&D au niveau mondial, les compagnies qui investissent le plus dans la R&D, c'est pas des compagnies qu'on imagine. En fait, c'est des compagnies assez anciennes en termes technologiques. C'est General Motors, d'ailleurs qui va pas très bien, hein, vous voyez. Toyota, bon, qui va peut-être un peu mieux, je sais pas. Et puis ensuite, toute une série de Big Pharma, ou des grandes entreprises pharmaceutiques, qui sont fondamentalement liées aux technologies de la seconde révolution industrielle. D'accord. Et on ne retrouve pas du tout les Amazon, Apple et autres modèles qui marchent bien et qui rapportent de l'argent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un regard beaucoup plus libre sur ces questions de technologie et de progrès. Et je voudrais vous montrer que l'histoire peut avoir un rôle pour nous aider à voir, pour nous libérer de plein de préjugés sur l'importance de l'innovation et de la technique. Alors, je voudrais formuler trois thèses qui se voulaient un peu provocatrices, et puis en fait je crois qu'elles ne vont pas là du tout. Mais alors, la première thèse, c'est qu'il n'y a pas de rupture majeure et récente dans le rapport entre nos sociétés, l'innovation, le progrès ou la crise environnementale. Il n'y a pas de perte de la confiance dans le progrès ou de perte de confiance dans la technique, par exemple à cause d'une sorte de prise de conscience environnementale. La deuxième thèse, c'est qu'en matière de technologie, on confond presque toujours l'axe du temps et l'axe du progrès. Il y a un présupposé implicite dans nos réflexions théoriques et dans nos comportements de consommateurs que le nouveau est mieux, mieux fait, plus efficace, plus pratique. Et la troisième thèse, c'est que le monde technologique dans lequel on vit n'est pas rationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas le meilleur monde technologique possible. Et je pense que l'histoire est importante car elle permet d'analyser le monde technologique dans lequel on vit comme une construction historique, c'est-à-dire comme une somme de choix qui ont été faits, parfois très mal faits, qui ont été faits pour des raisons bêtement matérielles et intéressées, pour des raisons politiques, et donc des choix partiellement irrationnels. Et l'histoire a un rôle pour nous mettre ça en évidence et se dire que, mine de rien, l'histoire aurait pu se passer tout autrement. Alors, première thèse donc sur l'idée qu'il n'y a pas de perte de confiance. Alors, c'est assez simple en fait. Par exemple, si vous prenez, alors évidemment, c'est une technologie extrêmement douteuse, celle des sondages. Aux États-Unis, le National Science Board publie tous les deux ans un indicateur qui pose toujours la même question aux Américains. Faites-vous confiance en la science? Et grosso modo, les résultats sont très stables. On est à peu près à toujours 70% de la population américaine qui déclare faire confiance à la science. Et il y a seulement 10% des Américains qui pensent le contraire et qui pensent que les avantages des innovations sont moins importants que leurs inconvénients. Voilà. Donc on a globalement une confiance très forte dans la science et dans les innovations technologiques. En France, il y a Ipsos qui a fait un sondage récemment, plutôt sur la confiance vis-à-vis des scientifiques. Et en fait, les scientifiques, enfin ceux qui font de la recherche en science, ça fait partie des professions en lesquelles les Français ont le plus confiance parmi toutes les professions. Pour les chercheurs au CNRS, c'est 86% des Français leur font confiance, 84% aux médecins, 65% aux enseignants, 64% aux journalistes scientifiques. Et pour prendre un point de référence, il y a seulement 26% qui font confiance en leurs députés. Donc il y a vraiment un écart considérable entre le monde politique et le monde scientifique en termes de confiance. Et pourtant, ce thème de la défiance dans la science, je vous assure que si vous commencez à fréquenter les sociologues, etc., qui travaillent sur ces questions-là, le thème de la perte de confiance est extrêmement important. Alors, l'important, c'est plutôt de voir d'où vient cette idée qu'il y a une perte de confiance. Je veux dire, à quoi elle sert? En fait, on la trouve souvent exprimée par les industriels. Elle était très présente, par exemple, au moment du conflit OGM dans les années 2000. Récemment, à propos du gaz des schistes, on dit, voilà, c'est que les Français font plus confiance dans la science. Ils sont trop heureux, trop timorés, trop précautionneux. Alors, je dirais plusieurs choses. Bon, premièrement, c'est un discours extrêmement ancien. Je ne vais pas faire l'historien grincheux, mais depuis la révolution industrielle, en gros, les industriels créent cette image d'un public français peureux comparé aux Anglais ou aux Américains beaucoup plus courageux. Donc, on pourrait en tracer une longue généalogie. Ce discours a eu beaucoup d'importance au moment des années 80 dans l'offensive de l'administration Reagan contre la régulation environnementale des années 70. L'Amérique serait devenue trouillarde, trop de red tape, de bureaucratie environnementale. Et là, l'enjeu, c'était la crainte, enfin, on crée un artefact, mais que le Japon devienne la principale puissance économique. Et curieusement, finalement, on retrouve ce discours-là avec d'autres motifs politiques, bien entendu, dans la sociologie et la philosophie des années 80-90. Par exemple, la thèse de la société du risque, hein, que j'ai déjà mentionné en introduction, ou la thèse de la modernité réflexive. Alors, deuxième thèse. Donc, l'idée que technologiquement, le nouveau est mieux. Alors, je voudrais vous prendre un exemple historique que je trouve assez parlant et qui m'avait fasciné quand je l'avais lu, maintenant il y a longtemps, c'est le cas du gaz d'éclairage. Le gaz d'éclairage, c'est une technologie qui apparaît à Paris dans les années 1820. Ça consiste à prendre du charbon, à le distiller avec du charbon, en le chauffant très fort avec du charbon. Ensuite, on distille ça dans des cornues, on stocke ça dans un gazomètre qui va mettre de la pression sur le gaz pour que le gaz soit distribué à travers toute la ville et arrive chez les habitants qui vont allumer leur bec à gaz pour avoir de la lumière. Bon. Donc cette technologie apparaît dans les années 1820. Il y avait une critique qui a été formulée par un chimiste, et les chimistes étaient rarement contre l'industrie chimique, par un chimiste qui s'appelle Clément Dessor, mais qui propose une expérience de pensée que je trouve intéressante. Et il dit la chose suivante, imaginez qu'on ait déjà inventé le gaz d'éclairage depuis longtemps et qu'un inventeur arrive avec la lampe à huile. On dirait c'est génial la lampe à huile. Je veux dire, il n'y a pas besoin de tous ces investissements en capitaux. La lampe à huile, ça a le mérite d'être portatif. Ça a le mérite aussi de faire en sorte qu'on ne dépend pas de tout un système technique pour sa propre lumière, parce que la grande crainte autour du gaz d'éclairage, c'était que la lumière s'interrompt soudainement parce qu'on n'a plus la maîtrise de sa lumière. C'était un choc pour les individus du début du 19e siècle. C'est donc portable, c'est peu cher et surtout c'est beaucoup moins dangereux parce que ça risque pas d'exploser, alors que le gaz d'éclairage, il y avait plein de problèmes d'explosion évidemment. Et puis surtout c'est renouvelable parce que l'huile on la produit à partir du colza, alors que le charbon on savait que c'était une ressource non renouvelable. Et d'entrée de jeu au début de la révolution industrielle, la question se posait des limites des ressources en charbon. Et est-ce que la France ferait pas mieux d'économiser son charbon pour produire de l'acier bien plus utile pour la défense nationale que s'éclairer au gaz d'éclairage, ce qui paraissait un peu trivial. Et je trouve que cette idée en fait de dire Faisons une expérience de pensée. Imaginons que la nouvelle technologie était déjà là depuis très longtemps. Et puis, quelqu'un propose l'ancienne technologie, ça permet de relativiser l'intérêt de tout plein de gadgets. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une vidéo assez géniale qu'il faut voir, c'est en espagnol, qui s'appelle The Book. Donc, c'est quelqu'un qui imite un peu Steve Jobs dans ses grandes présentations, très médiatisées, dont tous les journaux parlent, je ne sais pas trop pour quelle raison. Donc là, il imagine que les tablettes électroniques et les liseuses sont inventées depuis longtemps. Imaginez que quelqu'un invente le livre. Et il dit, mais c'est extraordinaire, c'est vachement mieux, il n'y a pas besoin de courant électrique, il n'y a pas besoin de le recharger, il y a une autonomie donc beaucoup plus longue. Il y a un accessoire absolument génial qui s'appelle le marque-page, qui permet de retrouver directement la page où on était. Il y a la fonction index, qui est quand même super pratique pour circuler dans un livre, ce qui est impossible de faire avec une tablette électronique. Et c'est vrai, enfin je veux dire, c'est vrai que lire sur une tablette électronique, ça n'a pas grand sens, c'est extrêmement inconfortable. Le seul intérêt, c'est de pouvoir trimballer avec soi 10 000 livres. Enfin, pendant les vacances, qui lit 10 000 livres? Voilà, donc il y a tout plein de gadgets qui paraissent d'un seul coup complètement absurdes. Alors évidemment, The Book, mais la vidéo est hilarante, je conseille vraiment de la voir. C'est un cas anecdotique, mais un exemple un peu plus provoque, ce serait le cas du nucléaire et de la bougie. Ça, évidemment, la bougie, l'argument de... très cher à nos nucléocrates, c'est que si vous voulez pas le nucléaire, vous allez retourner la bougie. Mais retournons à la bougie. La bougie est beaucoup plus efficace que l'énergie nucléaire. Pour se chauffer, je me suis amusé à faire des petits calculs. La tonne de paraffine coûte 1 500 € en ce moment. Sur Internet, on peut se faire livrer une tonne de paraffine pour 1 500 €. Je suis allé voir l'énergie thermique contenue dans la paraffine. En fait, on a beaucoup plus de calories par euro en utilisant de la paraffine pour se chauffer qu'en utilisant le chauffage électrique qui, en France, dépend du nucléaire. D'accord ? Donc, en fait, en termes même économiques, se chauffer à la bougie, pas s'éclairer, c'est plus compliqué. S'éclairer, je ne sais pas faire le calcul. Mais se chauffer à la bougie serait complètement rationnel comparé à se chauffer à l'électricité. Alors, l'argument est évidemment un peu absurde, parce qu'avec l'électricité, on fait tout plein de choses intéressantes. Par exemple, allumer, un ordinateur pour aller trouver des documents intéressants. Ça, avec une bougie, on ne peut pas le faire, c'est évident. Mais si cet argument, je trouve qu'il est important, ça montre bien que le choix, par exemple, du chauffage électrique est absurde. C'était une aberration thermodynamique très française, typiquement française. Hein, c'est le seul pays où on utilise autant le chauffage électrique dans le monde, qui était lié tout simplement aux pressions d'EDF qui voulait rentabiliser ses investissements dans le programme électronucléaire dans les années 70. Ce qui renvoie ma troisième thèse, c'est que notre système technologique est une construction historique, une accumulation de choix intéressés, parfois irrationnels. Alors évidemment, le processus économique et la concurrence produit une certaine forme de sélection, mais pas complètement en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des technologies parfaitement irrationnelles qui s'imposent dans un monde économique concurrentiel où normalement la main invisible devrait empêcher ça. Mais en fait, c'est pas le cas. Et l'histoire permet de montrer ça. Je vais vous donner quelques exemples. C'est des exemples plutôt tirés de l'histoire de l'énergie. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le cas de l'énergie solaire aux États-Unis. Il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont raté le tournant de l'énergie solaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des efforts modestes, on va dire, pour rendre l'économie américaine un poil moins énergivore et consommatrice de matières premières, pour essayer d'envoyer évidemment le maximum de ressources sur le front pour alimenter le système militaro-industriel américain. Et parmi cela, il y avait le projet de développer les maisons solaires, des maisons, on appellerait ça des maisons passives maintenant, c'est-à-dire simplement faire des efforts architecturaux, bien orienter les maisons, isoler les maisons, utiliser un truc tout bête, c'est un chauffe-eau solaire, c'est-à-dire en fait tout simplement mettre des tuyaux noirs sur le toit pour chauffer l'eau, pour prendre des douches, hein. C'est vraiment pas des technologies très développées, mais c'était vraiment quelque chose qui aurait pu s'imposer dans les États bien ensoleillés, en Californie, en Floride. Dans les années 50, 80% des maisons sont équipées en chauffe-eau solaire. Bon. Il y a un livre d'Adam Rohm qui s'appelle The Bulldozer in the Countryside qui montre pourquoi finalement s'est imposée l'aberration du tout électrique, hein, et pourquoi la maison solaire finalement ne s'est pas développée. Et en fait, c'est les intérêts bien compris des promoteurs immobiliers qui préfèrent construire des cages à lapins en masse parce que ça coûte moins cher, c'est plus rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir des artisans qualifiés, on peut faire ça avec maximum de préfabriqués. Donc résultat, ça fait des cages à lapins épouvantablement chaudes en été et froides en hiver. Et avec ça, on est obligé de mettre la climatisation en été, sinon c'est absolument invivable. Une fois qu'on a mis la climatisation en été, on a des pics de demande d'électricité en été. Et pour une compagnie électrique, c'est épouvantable d'avoir des pics de demande. Donc on a intérêt à encourager le chauffage électrique pour pouvoir lisser les pics de production, et donc on encourage le chauffage électrique, qui est une absurdité thermodynamique, comme je l'ai dit avant. Et donc s'impose un choix parfaitement irrationnel, d'autant plus qu'en fait, ça fait que transférer en fait les coûts sur le consommateur, parce qu'au final, ça revient beaucoup plus cher, même si la maison, en fait, je me suis mal exprimé, mais c'est ce qu'on appelle la Levitt Town. Levitt, c'est un grand promoteur immobilier qui, après la Seconde Guerre mondiale, dit « je vais vous résoudre le problème de la crise immobilière hein. ». Il y avait un déficit de logement aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, baby-boom, retour des militaires, etc., retour des GIs, en faisant des maisons, la maison de banlieue classique que vous voyez dans tous les films, c'est cette Levitt Town. Et en fait, on faisait des maisons beaucoup moins chères, mais les coûts étaient reportés sur les consommateurs. Et les compagnies électriques aussi imposaient le standard tout électrique en disant « si vous proposez le gaz qui est un peu moins absurde ou le charbon pour se chauffer, les États-Unis regorgent de charbon, donc c'est évident qu'il vaudrait mieux se chauffer au charbon que l'électricité, on va faire payer beaucoup plus cher le raccordement électrique ». Donc il y avait aussi des basses manœuvres pour création de monopoles tout à fait basiques. Bon bref, l'exemple de la villa de banlieue aux États-Unis est un très bon exemple d'un choix technologique absolument irrationnel, désastreux, qui est aussi à des orientations politiques. La maison de banlieue, dès les années 1920, est pensée par le pouvoir l'élite politique américaine comme le moyen de casser le socialisme et le communisme aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, il y avait un mouvement socialiste très puissant après la Première Guerre mondiale, parce que la maison de banlieue, c'était défaire les solidarités ethniques ou sociales de quartier en ville. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment un choix politique absolument désastreux qui nous a fait entrer dans une logique qu'on appelle l'anthropocène, enfin une logique de destruction environnementale de manière massive. Un autre exemple américain qui est intéressant, je trouve, c'est le cas de la tragédie des tramways. Les États-Unis, dans les années 1910, avaient un système de tramways extrêmement développé qui transportait 5 milliards, enfin il y avait 5 milliards de voyages en tramway par an. Les routes aux États-Unis étaient de très mauvaise qualité comparées à l'Europe, parce que c'est vraiment un pays vaste avec un développement plus rapide. Et donc le fait que l'automobile s'impose aux États-Unis, c'est absolument pas naturel si on regarde le début de l'histoire. Et en fait, ça se fait en deux temps. Je vais peut-être passer sur le premier. Le deuxième temps, c'est en fait une loi qui impose aux compagnies électriques qui possédaient les compagnies de tramway de vendre. Il fallait casser les monopoles. Et en fait, les Firestone, General Motors et Standard Oil rachètent en masse des compagnies de tramway à vil prix, ferment les lignes et détruisent en fait le système de tramway pour imposer l'automobile ou remplacer les tramways par des bus qui étaient beaucoup moins confortables, beaucoup moins efficaces énergétiquement. Donc on a vraiment des choix énergétiques parfaitement irrationnels qui sont faits. Et c'est la règle, j'ai envie de dire, c'est pas l'exception, mais c'est les choix des fois les plus importants. Alors, il y a un autre point important, c'est que les choix technologiques, en particulier en matière d'énergie, sont liés aux militaires. Si vous pensez, les militaires orientent le destin technique de nos sociétés, ça c'est un fait que les historiens ont bien montré. Or, les technologies militaires, si vous pensez au contexte, lorsque l'enjeu c'est de tuer au lieu d'être tué, la question de l'efficience énergétique ne se pose pas dans les mêmes termes qu'en général. Donc les militaires orientent les choix technologiques plutôt vers le choix de la puissance que celui du rendement. Et je ne peux pas donner des exemples, mais si vous prenez l'aviation civile, si vous prenez les engrais chimiques, c'est lié à une innovation militaire, au départ c'est fait pour faire des explosifs. Si vous prenez le DDT qui a un aspect massif sur l'environnement, c'est une innovation liée au militaire, c'est lié au gaz de combat. Si vous prenez les techniques de pêche aussi actuelles, enfin les techniques de pêche contemporaines, elles sont traversées par les technologies militaires, les sonars, les détections de qui sont mis ensuite pour détecter les poissons, les filets en nylon. Le nylon, c'est une technologie liée aux parachutes, aux pneus pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Comme quoi les technologies les plus énergivores, les moins efficaces énergétiquement et qui ont fait le plus de dommages sur l'environnement sont liées aux militaires. Donc je pense que la fonction du politique et de la réflexion autour de la technique, ce serait d'arriver à reconsidérer ses choix, à les considérer comme des mauvais choix et se donner les moyens de les défaire. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Alors, un dernier exemple qui montre, à mon avis, le manque d'histoire dans les réflexions sur la technique et la confiance aveugle qu'on a dans l'innovation, c'est l'idée un peu galvaudée de transition énergétique. Il y a eu récemment un débat sur la transition énergétique. Si on prend ça d'un point de vue historien, ça n'a aucun sens, une transition énergétique. Il n'y a jamais eu de transition énergétique. On dit, ah oui, il y a une transition vers le pétrole, mais en fait, non, il n'y a eu que des additions énergétiques. Donc ça, c'est typiquement, disons, je pense, un manque de recul historique qui permet de faire croire qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait réaliser comme ça une transition énergétique, et pire encore, qu'elle pourrait se faire avec une nouvelle technologie. Ça, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'il n'y a jamais eu une nouvelle technologie non carbonée qui remplace une source énergétique ancienne, en fait. Une fois encore, c'est que des additions. Et il y a un rapport assez récent qui est intéressant, parce que L'un des gros problèmes sur ces questions environnementales, c'est qu'on a tendance à parler ça de manière incantatoire. On invoque dans le futur, on imagine que c'est une frontière, la question environnementale, ou la question du développement durable. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on parle de développement durable. Je pense que c'est intéressant de voir des retours sur expérience sur ces questions-là. Il y a un pays qui a très fortement développé le solaire, c'est l'Espagne, dans les années, à partir des années 90. Et il y a un rapport récent qui a été fait par des consultants qui étaient au cœur de ce mouvement-là. C'était un slide, donc je n'ai pas les chiffres, mais il montre en fait que la quantité d'énergie qu'on récupère dans le système solaire voltaïque en Espagne par rapport à toute l'énergie qu'on a investie, elle est très mauvaise. C'est de l'ordre de 2 pour 1. C'est extrêmement faible. Pour le pétrole, on est à 15 pour 1. Donc il y a vraiment des gros problèmes sur l'idée qu'il y aurait une solution technique à la transition énergétique. Alors, pour conclure, je dirais que, pour revenir sur le point de départ, c'est pas qu'on est devenu défiant envers la technique, c'est au contraire, évidemment, qu'on n'est pas assez critique, qu'on est beaucoup trop confiant envers l'innovation, et il faudrait que nos sociétés arrivent à cultiver une capacité critique, d'une part envers le discours technologique, et d'autre part envers ses réalisations. Pourquoi ? Tout simplement parce que la défiance, tout d'abord, elle est constructive. On imagine toujours que c'est quelque chose de négatif et qu'il faudrait restaurer la confiance, mais en fait, la défiance en matière de technologie est extrêmement constructive. D'un point de vue historique, on peut tout à fait montrer que les gains de sécurité, les efforts de dépollution, ils ont lieu parce qu'il y a des gens qui se plaignent, parce qu'il y a des gens qui vont lutter aux civils, qui vont faire des procès, qui vont... Voilà. Poursuivre les industries en justice, ça a été absolument moteur pour envisager des modes productifs moins polluants ou moins dangereux. Deuxième point historique, c'est que historiquement, la plupart des innovations ne sont pas développées. La plupart des inventions, elles sont mort-nées et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que dans une société inventive, vivre dans une société inventive, ça veut dire refuser l'invention. Et c'est quelque chose de naturel et normal. Il ne faut absolument pas imaginer qu'il y ait une sorte de diktat technologique. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai tout plein d'exemples en tête de technologies complètement saugrenues qui étaient présentées, qui nous paraissent maintenant saugrenues, qui étaient présentées à l'époque comme aussi indispensables que les EGM maintenant. Si vous prenez le cas du gaz d'éclairage, c'est un très bon exemple, c'était un très mauvais choix technologique qui a été fait, hein, pourtant, et c'était désastreux. Mais il y avait des choses plus rigolotes, par exemple l'idée de remplacer dans les machines à vapeur l'eau par de l'éther. L'éther, c'est quelque chose qui se vaporise à beaucoup moins de... une température beaucoup plus faible, à 40 degrés. Donc ça permet d'avoir des rendements meilleurs et puis des machines qui réagissent mieux. Hein. Il faut attendre 1852 pour qu'il y ait un bateau qui s'appelle Le France, qui était le plus grand bateau à éther jamais construit, qui explose au large de Marseille avec 5 tonnes d'éther. Et puis on n'entendra plus parler des bateaux à éther. Donc c'est un exemple un peu anecdotique, mais c'est simplement pour vous dire qu'une fois qu'on se plonge dans l'histoire, qu'on voit en fait que notre système technologique, c'est la somme de décisions pas forcément rationnelles, que l'histoire aurait pu être très différente, qu'il y avait un buissonnement de possibilités technologiques. Je vous ai donné l'exemple du solaire aux États-Unis dans les années 50, mais il y en aurait plein d'autres à donner. Des fois, les mauvais choix ont été pris et les bons choix ont été délaissés. Ça nous rend beaucoup plus libres face à l'impératif technologique, que vous preniez les OGM, les gaz de schiste ou le nucléaire. Voilà, je vais m'arrêter sur ce point-là. Vous écoutez Radio Zinzine et on vient d'entendre l'historien Jean-Baptiste Fressoz qui nous présentait ses réflexions sur technologie et progrès. Jean-Baptiste Fressoz citait à un moment une autre histoire des Trente Glorieuses. C'est un ouvrage collectif qui a été réalisé sous la direction de Christophe Bonneuil, Céline Pessis et Cézine Topsiou. Une autre histoire des Trente Glorieuses, modernisation, contestation et pollution dans la France d'après-guerre. Voilà, c'est une histoire assez critique sur cette période qui est toujours présentée par une grande fraction de la gauche comme une grande période d'avancée technologique, sociale, etc., etc. Et là, les auteurs relativisent toute cette image d'Épinal en montrant que c'est aussi le début d'un énorme gaspillage de ressources, le début des grands projets qu'on appelle maintenant inutiles alors qu'ils sont très utiles en fait au capitalisme, etc., etc. Cet ouvrage réunit tout un ensemble de contributions qui sont effectuées et sont réalisées par des jeunes historiens qui revisitent l'histoire du 19e et du 20e siècle. Voilà donc, petite pause musicale avant de vous présenter un certain nombre d'ouvrages qui sont parus récemment cette année, autour donc de la question de la technologie et du progrès. Vous écoutez Radio Zinzine et on continue cette émission Racine de moins 1 qui s'intitule Le progrès m'a tué. Eh bien, on continue donc avec la présentation d'un certain nombre d'ouvrages donc, autour de ce thème du progrès et de la technologie. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec Lewis Mumford, Technique et civilisation, qui vient d'être réédité cette année, donc en 2016, aux éditions Parenthèse. C'est une maison d'édition qui vient de Marseille. Voilà, réédition en grand format et dans une nouvelle traduction. Alors, on va commencer par savoir qui est Lewis Mumford. C'est même pas un universitaire américain, c'est un historien américain spécialisé dans l'histoire de la technologie et de la science, ainsi que dans l'histoire de l'urbanisme. Il est né en 1895 et il est mort en 1990. Il a surtout vécu de sa plume dès les années 1922, notamment il a fait un ouvrage qui s'appelle « L'histoire de l'utopie », c'est son premier ouvrage qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Il est toujours resté en marge du milieu universitaire et ça lui a donné une certaine liberté dans sa manière de faire. Il a beaucoup réfléchi sur la question de la technique, de la civilisation, puisque c'est technique et civilisation que je suis en train de présenter. Avec un regard qu'on pourrait qualifier d'humaniste, puisque il est assez critique, mais il n'est pas non plus complètement négatif. Et surtout, il est très attaché à restituer cette histoire dans sa contribution au progrès humain. Voilà. En français, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été traduits, notamment dans les années 50, puisque moi je me souviens avec une certaine émotion d'avoir acheté la version des éditions du Seuil qui avait été publiée en 1950. Quand j'étais à Paris, il y a une bonne dizaine d'années de ça. Donc là, la version technique et civilisation, c'est une nouvelle traduction, donc réalisée par les éditions Parenthèse. Auparavant, il y a toujours pour citer les maisons d'édition qui sont du côté de Marseille, il y a eu, il y a quelques années, la réédition de La Cité à travers l'histoire aux éditions Agone de Marseille, donc grande fresque sur la ville. Lewis Mumford est assez spécialiste de ce type de grande fresque comme ça. Ça fait des gros pavés, mais c'est très intéressant, c'est très écrit dans un style très accessible, et c'est un travail historique et à la fois critique qui est toujours très, très plaisant à lire. Par ordre chronologique, il y avait aussi Les Transformations de l'Homme, une réflexion sur l'évolution de l'homme au cours de l'histoire, et notamment dans sa dimension technologique, qui était parue aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances il y a quelques années aussi. Plus récemment, on a le livre toujours de Lewis Mumford, Art et Technique, paru aux éditions La Lenteur, je crois qu'il y a un an de cela. Là aussi, une réflexion sur l'influence de la technique sur l'art, notamment dans la société technologique moderne, avec un certain nombre de comparaisons et de choses assez sensibles là-dessus. Et je peux vous annoncer, ça c'est un scoop de Radio Zinzine, que un autre grand ouvrage de Lewis Mumford ne devrait pas tarder à être publié, sinon cette année, du moins l'année prochaine. Il s'agit du Mythe de la Machine, c'est en quelque sorte la suite, le complément de Technique et Civilisation. Le Mythe de la Machine, c'est deux gros volumes. Donc le premier volume, c'est Technique et Développement Humain, qui retrace un peu en gros les débuts de l'humanisation à travers de la préhistoire jusqu'en gros 16e, 17e siècle. Et le second volume, Le Pentagone de la Puissance, qui est la partie plus critique de cette fresque sur la technique. Puisque voilà, Technique et Civilisation a été écrit par Lewis Mumford en 1934, et l'ouvrage, malgré le fait qu'il était écrit au début des années 30, qui est quand même une période assez sombre de l'histoire du XXe siècle, puisque c'est en Europe la montée du nazisme, et en Asie aussi la montée du nationalisme japonais, etc. etc. Donc avec en perspective déjà d'un monde totalitaire, il y a aussi l'URSS qui est déjà bien avancé sur cette voie. Vous notez d'ailleurs que, à ce propos, Lewis Mumford était très clairvoyant, puisque Il m'était renvoyé dos à dos la technocratie occidentale et la bureaucratie soviétique. Donc Technique et civilisation, c'est une grande fresque aussi, là aussi, qui remonte aux origines de la technique et qui arrive jusque dans les années 30. Voilà, Mumford trouve l'origine de la science et de la technologie moderne, bien d'une part dans l'horloge et le monastère. Le monastère qui deviendra au XIXe siècle le modèle de l'usine, avec ses horaires fixes et ses cadences plus ou moins infernales, et aussi bien évidemment l'autre modèle de la mécanisation, ce sont les mines, l'armement et la guerre. Il détaille de manière assez critique tout l'embrigadement et l'enrôlement des gens dans les rythmes impersonnels et détachés de la vie sociale, puisque pour lui l'horloge c'est une invention qui donne une dimension abstraite au temps, puisque c'est le mécanisme qui tourne tout seul, qui rythme la vie sociale et la vie des communautés, avec notamment les horloges des clochers, alors que jusqu'à maintenant, c'était les rythmes le jour, la nuit, les saisons, la fatigue ou l'état subjectif de la personne qui lui permettait d'apprécier l'heure du jour, de la nuit et le jour de l'année, etc., etc. Tout un ensemble de connaissances qui étaient plus subjectives et plus en rapport avec la nature, tandis que l'horloge abolit tout ça d'une certaine manière. C'est la mécanique qui nous permet de nous repérer dans le temps maintenant. Tout le monde a une montre, tout le monde a une horloge autour de soi. C'est l'horloge et le calendrier qui nous disent où nous en sommes avec le temps. Lewis Mumford restitue tout ça et surtout il découpe en gros l'histoire de la technique et des civilisations en trois phases. C'est une grande périodisation qui n'est pas très stricte mais qui donne une idée. En tout cas, lui divise ça en trois, la phase éotechnique, la phase paléotechnique ensuite et pour finir la phase néotechnique. La phase éotechnique, c'est en gros toutes les techniques qui sont autour du bois, de l'eau. C'est en gros la phase artisanale de la technique qui domine jusqu'avant le XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment les moulins à vent, les moulins à eau, l'artisanat extrêmement développé parfois dans certaines villes d'Europe. La phase paléotechnique, ça désigne plutôt ce qu'on appelle la révolution industrielle et le début de l'industrialisation de l'ensemble des productions. Comme matériaux dominants le charbon, le fer. Là, Lewis Mumford brosse un tableau qui n'est, c'est le moins qu'on puisse dire, pas tout à fait rose des débuts de l'industrie, même si Mumford n'est pas très porté sur le marxisme. En tout cas, il y voit très bien que l'ensemble, l'usine et le capitalisme industriel ne peuvent se développer que sur la dépossession des communautés rurales et leur quasi-destruction, notamment en Angleterre. Mumford dit aussi que tous ceux qui ont promu l'usine et l'industrie à cette époque, notamment dans les pays anglo-saxons, eh bien ont été eux-mêmes victimes de leur enthousiasme, on pourrait dire, puisque tous les agréments de la vie qui étaient soi-disant le but de la production, eh bien même les bourgeois, les patrons d'usine s'en sont eux-mêmes dépouillés et ont donné à cette époque, le 19e siècle, une forme très, très sombre, à la fois par les couleurs, c'est-à-dire où le noir dominait, et sombre aussi à cause de la misère qui régnait dans les classes populaires, et du très mauvais goût qui régnait, et de la répression sociale et sexuelle qui régnait dans les classes dominantes. Donc voilà, là aussi, un tableau très critique, qui, ce qui n'empêche pas d'ailleurs Mumford de voir aussi les apports qu'il y a eu à cette époque, même si pour ma part je ne m'étendrai pas trop là-dessus. La troisième phase, la phase néotechnique, elle, Mumford la voit plus fondée sur l'électricité et le verre et un certain nombre de produits légers et transparents. Là, c'est essentiellement le chapitre le chapitre 5, sur la phase néotechnique, Mumford est extrêmement optimiste. En gros, il dit, voilà, maintenant, c'en est fini des usines du 19e siècle, de l'exploitation et de la pollution qui régnait à cette époque, puisque maintenant, on a affaire à des énergies propres, des matériaux plus légers, qui demandent moins de puissance pour être mis en œuvre, etc., etc. Bon, il faut se rappeler que Mumford écrit dans les années 30, mais c'est vraiment tout un chapitre qui respire un certain optimisme pour l'avenir. Malheureusement, la suite a montré que non. Voilà, sur l'automobile, le transport, la production d'énergie, etc. Mumford est très, très, très optimiste et voit une évolution possible, je dis bien une évolution possible de la technique, vers quelque chose de beaucoup plus humain et de moins, moins coupé de la nature, etc. Et même si il a révisé un petit peu l'ouvrage dans les années 50 pour l'édition française, eh bien, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale est passée par là, et même si ce qu'il appelle la phase néotechnique et le complexe technique néotechnique sont en partie devenus des réalités, malheureusement, les tendances que Mumford qualifierait de paléotechniques, c'est-à-dire où compte la puissance, eh bien, elles se sont prolongées, puisque voilà, à partir des années 70, l'industrie est repartie de plus belle sur les tendances qui étaient celles du 19e siècle, avec concentration, production de masse, pollution, etc., etc., toutes choses détaillées justement dans l'ouvrage dont Jean-Baptiste Frézos parlait, Une autre histoire des Trente Glorieuses. Mais néanmoins, cet ouvrage demeure très intéressant, puisque voilà, vers les chapitres finaux, il y a vraiment une réflexion sur la technique et sur la manière dont elle est reçue, même si là aussi ça reste très optimiste. Il pointe le fait que voilà, la machine a quand même apporté énormément de choses, et que voilà, il faut pas rejeter la machine avec le bébé de l'industrialisation, mais qu'il faudrait réussir à développer un autre usage des machines, et pour cela il parle aussi des phénomènes de compensation et de résistance, c'est-à-dire tout ce qui vient contrer un peu les tendances mortifères de l'usage exclusivement industriel de la machine. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est très stimulant, très très intéressant à lire, très très plaisant à lire aussi, puisque Mumford raconte plein d'histoires. Il évoque tout un tas d'inventions. Il y a d'ailleurs une liste des inventions, une chronologie des inventions, voilà, à la fin de l'ouvrage, qui permet un peu de se repérer dans le foisonnement des inventions et des machines dont la plupart sont finalement assez récentes. Et voilà, il faut souligner aussi que les éditions parenthèses qui sont à Marseille, un très beau travail de mise en page et d'édition, puisque voilà, par rapport à l'édition qui existait auparavant, celle qui avait été imprimé en 1950 par les éditions du Seuil, on a un ouvrage très aéré, très agréable à lire, avec les illustrations que Lewis Mumford voulait voir figurer dedans. Par rapport à la précédente édition de cet ouvrage, c'est le jour et la nuit, on pourrait dire. Donc voilà, il y a une préface à la présente édition qui restitue un peu l'histoire de cet ouvrage dans son temps et dans le nôtre un petit peu aussi d'ailleurs. Et surtout, il y a l'avant-propos de 1934, écrit par Lewis Mumford, et voilà, une introduction à l'édition de 1963 où Mumford vient un petit peu resituer son ouvrage Technique et Civilisation dans l'ensemble de ses travaux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la suite en quelque sorte de cet ouvrage, c'est Le mythe de la machine, qui sera publié dans les années fin des années 60, début des années 70, et qui a une tonalité beaucoup plus critique face à l'évolution de la technologie et de la civilisation, puisque dans le deuxième tome du mythe de la machine, on a une dénonciation de ce que Mumford appelle la méga-machine, c'est-à-dire en gros le fait que la société devient en grande partie une société industrielle, que l'ensemble des rapports sociaux sont organisés autour de la production et de la consommation, et que le contenu même de la civilisation, le fait de vivre ensemble et d'avoir un certain nombre de rapports sociaux enrichissants, etc., se délite au profit justement de la médiation que constituent la production industrielle et les machines. Donc avec aussi tous les effets pervers comme la recherche de la puissance à tout prix, la guerre, et bien d'autres choses de ce genre qui malheureusement restent de nos jours d'actualité. Donc voilà, Lewis Mumford, Technique et Civilisation, paru aux éditions Parenthèse 2016. Voilà, c'est un ouvrage de presque 500 pages qui a comme prix 20 euros. Un très bon rapport qualité-prix, à mon avis. Pause musicale en attendant de vous présenter la suite. Ya ni tu muna muna warros este portat e date in putu que ne lu ko hawe kat me lu temps que me lu lu putu na riba pas que ti deshi me flu ki sera zi eu du ma que ma benzi tutu la ha que era segu muna mu que i pregun ta la otes ya ni tu ya no tu tembas dun zinga zanga me mau entara hun zinga zanga e truva ya ni tu zinga zanga e lu sumpe o miñu Ya ne tu muna muna warros este portat e date ni putu que ne lu kawe kat me lu temps que me lu lu putu na riba pas que ti deshi me flu ki sera zi e bruma que ma bezi tutu la ha que era segu muna mu que i pregun ta la utes ya ne tu que ma bezi tutu di tutu la ha que era segu ra segu muna mu que i pregun que i pregun Ken si yo tan luzun Tan luzun Ya no tun temas dun zinga zanga Men bau entala hun zinga zanga Retru baian etu zinga zanga E luzun peo minu zinga zanga Ya ne tu muna muna warros este portat E date yun putu que ne luko hau ekat Me lu temps que me ilu lu putu na riba pas Que ti deshi yo fru que sera di eu duma Ya no tun temas dun Men bau entala hun Retru baian etu E luz un peu minu Ya no tun tembas dun Zinga zanga Men bau entala hun Zinga zanga Retru baia netu Zinga zanga E luz un peu minu Zinga zanga Ya no tun tembas dun Ya netu muna muna Warros este portat Men bau entala hun Que ne lu kau engas Me lu tens Que me lu lu putu na riba pas Que ti deshi o flu Que sera di euruma Ya no tun tembas dun Zinga zanga Men bau entala hun Zinga zanga Retru baia netu Zinga zanga E luz un peu minu Zinga Zanga, ya ni tu muna muna warros este portat e date ni putu que ne lu kawe kat me lu temps que me lu lu putu na Voilà, vous écoutez toujours Radio Zinzine et c'est toujours l'émission Racine de Moisin intitulée Le progrès m'a tué. Et donc, voilà, je continue la présentation d'ouvrages sur le progrès et la technologie. Et là, on a encore un auteur américain qui s'appelle David Noble. Le titre de son ouvrage, c'est Le progrès sans le peuple, ouvrage qui a été traduit de l'anglais par Célia Isoar et qui est publié aux éditions Agon de Marseille. Qui est David Noble bien. C'est un historien américain lui aussi, critique de la technologie, des sciences et de l'éducation. Voilà, il a fait surtout un travail universitaire sur l'histoire sociale de l'automatisation. Et il a enseigné au MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc prestigieuse institution américaine sur tout ce qui est la technologie. Et lui, il a fait un travail assez critique là-dessus. D'ailleurs, la quatrième de couverture nous dit qu'il a reçu le prix Joe Calloway pour le courage civique, récompense de ses actions pour l'indépendance intellectuelle et contre la marchandisation de l'éducation. Un sujet d'actualité. Voilà donc David Noble qui est né en 1945 et qui est mort en 2010. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres ouvrages de lui qui soient traduits en français. Et là, on a une série d'ouvrages, enfin de textes qui constituent les chapitres de l'ouvrage, qui ont été rédigés pour l'essentiel durant les années 80, c'est-à-dire au moment où David Noble faisait son enquête sur l'automatisation. Là, il a une position là-dessus qui est pour le moins courageuse et qui ne fait pas dans la nuance. Je vous lis le début, le tout début, les premières phrases du premier chapitre qui s'appelle « Une autre vision du progrès ». Et voilà, une guerre fait rage, mais un seul des deux camps est armé. Voici résumé la question de la technologie aujourd'hui. On trouve d'un côté le capital privé, appuyé sur les sciences et les subventions, mobiles et multinationales, et lourdement armé de technologies de commande, de contrôle et de communication issues du monde militaire. Propulsé par la seconde révolution industrielle, le capital est en train d'élargir et de renforcer de façon déterminante la mainmise sur la société acquise avec la première révolution industrielle. Confronté à un taux de profit en déclin constant, à une escalade des conflits et à une concurrence de plus en plus intense, ceux qui retiennent déjà le monde en otage de leurs intérêts étriqués restructurent à nouveau l'économie mondiale et les modes de production à leur avantage. Armés des nouvelles technologies, ils font inexorablement tomber tout ce qui restait aux travailleurs d'autonomie, de savoir-faire, d'organisation collective et de pouvoir dans leur quête de moyens d'investissement et d'exploitation plus puissants. En même temps, le high-tech sert de symbole à l'offensive culturelle qu'ils mènent dans tous les médias afin de rallumer la confiance dans le progrès, entre guillemets. Alors que leur stratégie fondée sur l'extorsion ne cesse d'amenuiser la richesse des nations, ils reformulent les promesses optimistes de délivrance par la technologie et de salut par la science. Et voilà, c'est le premier paragraphe de cet ouvrage. Ça vous donne vraiment une idée du point de vue de l'auteur sur la question. C'est quelque chose qui est assez étonnant chez les Américains. On arrive à voir des gens qui sont, ont un point de vue assez radical comme ça, et qui arrivent à trouver des postes dans l'université, même, et pas n'importe lesquels, les plus prestigieuses et les plus avancées dans le développement technologique, et qui arrivent à faire des enquêtes critiques avec tous les moyens que peuvent leur fournir ce type d'institution, et avec la capacité de publier leur point de vue sans être trop inquiété, quoi. On peut pas m'en dire tout le temps en France, dans les institutions universitaires, etc., surtout récemment. Enfin bref. En tout cas, voilà l'enquête de David Noble, l'enquête qu'il mène sur l'automatisation, et a bien démystifié un certain nombre de clichés, notamment le fait que les innovations les plus technologiques sont toujours les meilleures. Il a beaucoup étudié en fait les machines-outils dans le façonnage des métaux. Donc c'est vraiment les processus industriels de base, quoi, on pourrait dire. Il y a tout un passage sur la commande numérique. Et en gros, David Noble dit la commande numérique, c'est pas tellement pour augmenter les rendements, pour faire augmenter la production, pour faire des productions de meilleure qualité, etc. C'est plutôt la commande numérique a été introduite notamment dans la grande industrie. Industrie automobile et aéronautique, notamment, surtout en fait, pour que les patrons puissent avoir le contrôle des moyens de production, c'est-à-dire contrôle qui passe par le fait qu'on peut utiliser des ouvriers non qualifiés, on peut les mettre sur ce type de machine, et qu'on peut aussi tout très bien les virer très rapidement, alors que si on a des ouvriers qualifiés, eh bien c'est plus difficile, les ouvriers qualifiés sont plus facilement maîtres des machines, de leur travail, et voilà, s'ils sont un peu plus difficile à virer parce qu'on n'en trouve pas sous le sabot d'un cheval, pour ainsi dire. Il y a aussi tout un ensemble de réflexions aussi sur la manière dont la classe ouvrière a été endoctrinée par l'idéologie du progrès avec le consentement plus ou moins enthousiaste des syndicats, il faut bien le dire. David Noble aime bien utiliser des petites anecdotes pour illustrer son propos. C'est parfois assez marrant. Ça peut être parfois assez marrant pour relativiser en quelque sorte les soi-disant évidences qui sont présentées dans l'entreprise. Là, il parle beaucoup des ingénieurs. Il a enquêté auprès des ingénieurs et des gens qui travaillent sur l'automatisation des processus de production, et il remarque que ce soit les étudiants, les ingénieurs, les patrons, etc., la plupart des perfectionnements technologiques, on demande jamais leur avis aux ouvriers. Et là, David Noble illustre un petit peu cette curieuse démarche qui consiste à ne pas demander leur avis aux principaux intéressés, c'est-à-dire à ceux qui vont utiliser les machines, avec une petite anecdote. Ce que les ingénieurs veulent par-dessus tout éliminer, ce ne sont pas tant les êtres humains que la possibilité plus abstraite de l'erreur humaine. C'est pourquoi ils conçoivent des systèmes qui excluent au maximum toute intervention humaine, des systèmes résistants aux idiots. C'est vraiment ce que disent les ingénieurs, en tout cas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils veulent des systèmes qui résistent aux idiots qui les utilisent. pour mettre en perspective cette volonté des ingénieurs. Il met en avant l'anecdote suivante. Supposons qu'un ingénieur, imaginons un homme comme la grande majorité d'entre eux, veuille offrir un cadeau d'anniversaire à sa petite amie. Expert en mécanique, il décide de construire ce qu'il sait faire de mieux, une machine. À l'approche de son anniversaire, il travaille jour et nuit pour concevoir et perfectionner ce qui, espère-t-il, incarnera l'accomplissement le plus élevé de son art. Le jour venu, il présente le cadeau en gage de sa dévotion entouré d'un ruban rouge. « Joyeux anniversaire, ma chérie !» dit-il fièrement, en tendant son élégante création. « Voici la machine la plus parfaite que j'ai jamais conçue. Elle est tellement parfaite que n'importe quel idiote pourrait l'utiliser. » Refroidie, sa fiancée se met à douter de leur relation. Elle le regarde de travers, lui rappelle fermement qu'elle n'est pas une idiote et le renvoie à son labo construire une machine pour quelqu'un comme elle qui n'est pas la première venue. Et vlan ! Il y a plusieurs petites anecdotes comme ça que Noble convoque pour relativiser un certain nombre de choses qu'on croit évidentes, acquises, etc. Et c'est assez plaisant à lire du coup. La solution à ce dilemme, c'est d'ailleurs celui de l'ingénieur, est bien sûr de faire comme s'il concevait une machine pour son propre usage, puisqu'il se considère sans aucun doute comme quelqu'un d'intelligent. Et voilà, c'est assez étonnant, puisque Noble a enquêté aussi là-dessus, et il y a effectivement un certain nombre de, pas forcément d'ingénieurs, mais aussi d'ouvriers, qui ont conçu des systèmes semi-automatiques qui permettraient justement de conserver leurs qualifications tout en supprimant le côté répétitif de leur tâche. C'est assez intéressant, même du point de vue purement, on pourrait dire, technique. Donc voilà, c'est un petit ouvrage qui fait un peu moins de 250 pages et qui présente vraiment une réflexion sur la technologie et l'automatisation, notamment là, ici, dans les usines. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer de nos jours avec l'industrie informatique, puisque là, David Noble, je le rappelle, écrivait dans les années 80, c'est-à-dire à un moment où, même aux États-Unis, l'informatisation n'était pas encore très développée. Il y avait bien sûr déjà l'électronique et les commandes numériques, mais c'était pas encore aussi développé que les micro-ordinateurs qu'on a maintenant. Voilà, en annexe, on a « Mourir de faim au paradis avec les nouvelles technologies ». C'est une déclaration des droits sur les technologies par le syndicat des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale qui a été rédigé au début début des années 80. Et en annexe 2, il y a un document historique, puisque c'est Lord Byron, un anglais, défenseur des ludites. Voilà, c'est le discours de Lord Byron, prononcé le 27 février 1812 devant la Chambre des Lords, en Angleterre, donc, contre la loi punissant le bris de machines par la peine de mort. Puisque, lors du début de la révolution industrielle, l'introduction de l'usine a entraîné un certain nombre de résistances et aussi de mouvements sociaux qui ont cassé les machines. Casser les machines qui étaient dans les usines, puisque c'est ceux qui les ont cassées, c'était des tisserands qui avaient leur métier à domicile et qui se voyaient ainsi déposséder de la maîtrise de leurs conditions de travail avec l'introduction de l'usine, du salariat et tout un tas de joyeusetés comme les contremaîtres, etc. Vous notez d'ailleurs que David Noble, au début de son livre, cite fort longuement un partisan de l'industrialisation au 19e siècle en Angleterre qui s'appelait Andrew Ure, U-R-E, et qui dit en gros, lorsque l'industrie embauche la science, la main rebelle du travail apprend à être docile. Voilà, ça vous donne un peu l'état d'esprit de l'époque vis-à-vis du progrès technique. Un ouvrage que je vous recommande aussi, puisque toute sa thématique reste d'actualité, y compris le bruit de machine d'ailleurs. David Noble, Le progrès sans le peuple, c'est aux éditions Agon de Marseille. Un ouvrage d'environ 250 pages et qui fait 20 euros. Passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, Maride du. Passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, Maride du. Passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, Maride Maride. Passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, passare Mayumi Maride, Maride du. Passare Mayumi Maride, così venne buscumbida. Passare mare mai un me marire così bene buscumbira se vules danza venes me veire se vules manza vegesi aspas se vules danza venes me veire se vules manza vegesi aspas l'un no vi dige tal la novio un me trenciari lu così l'un no vi dige tal la novio un me trenciari lu così avendo gli di la cameretto di gin dell'uscura dormi avendo gli di la cameretto di gin dell'uscura dormi tu tendire lu pate noste lu no vi sentir mighe tu tendire lu pate noste lu no vi sentir mighe e la cucchino della novio nanezza era mi lu così e la cucchino della novio nanezza era mi lu così passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire marire tu passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire marire tu passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire marire tu passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire marire tu passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire marire passare mai passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi passate mai un mi marire passare mai passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi passate mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un mi marire passare mai un calluno vi se desrevelio ne fa tres colo tu delies calluno vi se desrevelio ne fa tres colo tu delies ne increjo de embrasa la novio ne embrasa volucat cui si ne increjo de embrasa la novio ne embrasa volucat cui si. Vous écoutez toujours Radio Zinzine, c'est toujours l'émission Racine de moins 1 qui est intitulée Le progrès m'a tué. Là, je continue la présentation de quelques ouvrages sur le progrès et la technologie. Là, je vais vous présenter l'ouvrage qui donne ce nom à cette émission, puisque c'est un ouvrage qui est paru aux éditions L'Échappée, qui a été coordonné par La Décroissance, le journal de la joie de vivre, comme c'est son sous-titre. Et là, ça s'intitule Le progrès m'a tué, leur écologie est la nôtre. C'est un recueil de textes et d'interventions qui devaient être faits au contre-sommet de la COP21 que La Décroissance voulait organiser. Et malheureusement, cette manifestation a, semble-t-il, été annulée à la dernière minute suite aux attentats qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est d'ailleurs un peu dommage que dans le premier article ou le texte qui présente ce recueil, eh bien, on n'explicite pas les conditions dans lesquelles ça a été fait. Moi, je vous dis ça parce que j'ai lu La Décroissance, le numéro de cet été qui explique la genèse de cet ouvrage. Effectivement, c'est pas dit dans la présentation de l'ouvrage, c'est un peu dommage. Donc voilà, il y a énormément d'auteurs, j'en dirais peut-être, il y a peut-être une trentaine de personnes qui ont contribué à cet ouvrage, et il y a plein de thématiques, donc c'est évidemment très critique sur la croissance, le développement durable, la COP21, la transition énergétique, etc., etc., la publicité, c'est divisé en plusieurs grandes parties. Voilà, la première c'est effondrement, sur tout le côté catastrophiste, lié au climat. Ensuite, la seconde partie, c'est illusion. L'illusion de la transition énergétique. Je vous donne des titres un petit peu au hasard. Le bain de jouvence du progressisme technologique, ça c'est un petit article de François Gérige sur le transhumanisme et d'autres délires de la gauche accélérationniste qui veut dépasser le capitalisme en accélérant le progrès technologique. Double pensée du numérique, c'est Cédric Biagini qui a coordonné un ouvrage là-dessus, donc aux éditions L'Échappée aussi. Voilà, la troisième partie, c'est idéologie. Il y a Le délire occidental ou La destruction du monde de Danny Robert Dufour. Il y a Jean-Claude Michet aussi qui écrit là-dedans. Thierry Jacot qui est rédacteur en chef de l'écologiste, de la revue de l'écologiste. La quatrième partie, c'est sur le développement, mettre fin au développement. Il y a un certain nombre d'intervenants qui manifestement viennent des pays du Sud. Et la dernière partie, c'est intitulée En sortir. Et bon, c'est assez, c'est assez inégal, il faut bien le dire. C'est un peu ce type d'exercice de style, c'est toujours très à la fois répétitif et parfois pas toujours très cohérent. Mais bon, au moins on a l'avis de différentes personnes qui s'expriment. Je vous lis encore quelques titres au hasard. Capitalisme vert versus austérité révolutionnaire. Ça, c'est Pierre Thiessé qui anime les éditions Le Pas de Côté, avec qui cet ouvrage est publié en coédition avec L'Échappée. La gauche doit revendiquer l'austérité plus que quiconque. Ça, c'est encore un titre de cette partie. Avons-nous le pouvoir de changer les choses? Ça, c'est une très bonne question et merci de l'avoir posée. J'avoue ne pas avoir lu l'article et je ne sais pas comment ils y répondent. La décroissance, la lutte des classes, projet contre projet, en finir avec la religion du progrès, etc. etc. Voilà. Parmi la partie qui concerne le développement, petit texte qui a attiré mon attention de Mohamed Taleb, qui est un philosophe algérien, qui a notamment écrit Nature vivante et âme pacifiée, l'écologie vue du Sud pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel, aux éditions Sang de la Terre 2014. Mohamed Taleb, je me souviens d'avoir lu un texte de lui où il disait en gros que l'écologie n'était pas une préoccupation de riches, mais qu'elle était une des premières préoccupations des gens du Sud et des pays dits en voie de développement ou des pays dits pauvres, puisque énormément de gens dans ces pays tirent leur subsistance de leur milieu, de la nature, de ce qu'il en reste souvent, et donc ils sont particulièrement sensibles à la dégradation de l'environnement qui participe justement à leur dépossession à dépossession de leurs moyens de subsistance propres et qui les oblige à aller travailler dans les villes, dans les usines, etc. 5 thèses de l'écologie révolutionnaire des peuples du Sud. Je vous cite au moins les titres des 5 thèses. Thèse 1, procéder à la délégitimation du développement durable. 2 thèse, reconnaître la lutte des classes qui traverse l'écologie. 3e thèse, penser la mondialisation capitalisme comme masque mortifère de l'occidentalisation du monde. La 4e thèse, retrouver les acquis des travaux de l'école de la dépendance. Ça, c'est une école qui regroupe un certain nombre de penseurs, d'universitaires, d'écrivains du Sud. 5e thèse, pour en finir avec le désenchantement capitaliste du monde. Voilà, là, c'est un petit peu fait appel à une espèce de réenchantement spirituel. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ces 5 thèses sont assez intéressantes en tant qu'une espèce de manifeste qui affirme que l'écologie au Sud est possible, et non seulement possible, mais nécessaire pour sortir de l'idéologie du développement. Ouvrage donc coordonné par La Décroissance et publié conjointement par les éditions Le Pas de Côté et L'Échappée. Le progrès m'a tué, leur écologie est la nôtre. Voilà, c'est un ouvrage qui fait là aussi un peu moins de 230 pages en format carré. C'est à 20 euros. Puisqu'on est à la rentrée, je voulais signaler aussi, j'aurai certainement l'occasion de parler une autre fois, un ouvrage qui vient de paraître, qui concerne donc le progrès et la technologie, et qui est de Philippe Biwix et de Karine Movili, Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran. C'est paru aux éditions du Seuil, à la fin du mois dernier, fin du mois d'août 2016. Ça fait 240 pages, c'est 17 euros. Et c'est une critique assez virulente. La numérisation de l'école, qui est le programme que François Hollande a mis en avant pour l'école lors de son investiture à la présidence. Et c'est très détaillé, il y a énormément d'arguments. Je rappelle que Philippe Biwix, c'est un ingénieur centralien. Il a travaillé dans différents secteurs industriels comme ingénieur conseil ou à des projets des postes de direction. On nous dit qu'il a 2 enfants. Catherine Movili, c'est une historienne et une juriste de formation qui est, j'étais journaliste puis enseignante en collège public, poste d'observation privilégiée de la mutation numérique en cours. Elle a trois enfants. Donc voilà, des gens qui ont des compétences sur un certain nombre de sujets, y compris l'éducation de leurs enfants. Et bon, j'ai pas encore lu en entier, mais le début est assez drôle, puisqu'on nous parle de la genèse de l'école numérique, et on remonte, remonte au début du XXe siècle avec la radio, c'est même pas la radio, on commence au début du XXe siècle avec les images projetées sur un écran. Vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui les diapositives. Ben, au début du XXe siècle, c'était déjà un outil éducatif qui allait soi-disant révolutionner l'éducation et permettre aux enfants d'apprendre en s'amusant, etc. etc. Et on retrouve tous les mêmes poncifs idéologiques à chaque révolution technologique. Que ce soit pour la radio, la télévision, le cinéma, enfin, tout y passe. Et voilà, c'est assez drôle. Bewix, en tant qu'ingénieur, lui met beaucoup l'accent sur l'aspect écologique de cette révolution numérique qui consomme énormément de ressources, métaux rares, électricité, etc. Loin d'être de vouloir ne pas enseigner le numérique à l'école, lui, au contraire, il met en avant le fait qu'on pourrait faire des cours, par exemple, sur l'extraction des métaux en Afrique et des conflits que ça génère dans ces pays, ou aussi le fait que les déchets numériques se font recycler dans des conditions absolument ignobles au Ghana, par exemple, où des enfants s'empoisonnent en brûlant les plastiques, en récupérant les métaux dans des conditions vraiment absolument atroces, etc. etc. Et aussi faire des cours sur la consommation énergétique que représente la production de ces machines et leur fonctionnement, etc. Je vous en dirai certainement plus une autre fois, puisque je n'ai pas encore lu les arguments qu'avance Karine Movili contre ce désastre de l'école numérique. Il est rappelé en quatrième de couverture, par exemple, que dans la Silicon Valley, les ingénieurs qui sont dans les grandes entreprises qui développent le numérique, eux, ils envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas ou très peu d'écran, parce qu'ils savent que c'est absolument nuisible à leur progéniture, à la fois du point de vue de l'attention, de la concentration et de l'apprentissage, tout simplement. Donc voilà, Philippe Bewix, Catherine Movili, Le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, paru aux éditions du Seuil, un ouvrage que je recommande à tous les parents pour la rentrée, puisque voilà, c'est une rentrée qui va être chaude, une fois de plus. Sur ce, bien, on termine cette émission qui s'appelait Le progrès m'a tué, et à la prochaine.